Rêve d'enfer par Gustave Flaubert. Chapitre 1er. La terre dormait d'un sommeil léthargique, point de bruit à sa surface, et l'on n'entendait que les eaux de l'océan qui se brisaient en écumant sur les rochers. La chouette faisait entendre son cri dans les cyprès, le lézard baveux se traînait sur les tombes, et le vautour venait s'abattre sur les ossements pourris du champ de bataille. Une pluie lourde et abondante obscurcissait la lumière douteuse de la lune, sur laquelle roulaient, roulaient et roulaient encore les nuages gris qui passaient sur l'azur. Le vent de la tempête agitait les vagues et faisait trembler les feuilles de la forêt. Il sifflait dans les airs tantôt fort, tantôt faible, comme un cri aigu domine les murmures. Et une voix sortit de la terre et dit « Finis le monde, que ce soit aujourd'hui sa dernière heure. » « Non, non, il faut que toutes les heures sonnent. Hâte-les, » dit la première voix. Extermine l'homme dans un septième chaos et ne crée pas d'autre monde. Il y en a encore un, supérieur à celui-ci. Tu veux dire plus misérable ? Répondit la voix de la terre. Oh, fini, pour le bien de tes créatures. Puisque tu as manqué jusqu'à présent toutes tes œuvres, au moins ne fais rien désormais. Si, si, répondit la voix du ciel. Les autres hommes se sont plaints de leur faiblesse et de leur passion. Celui-là sera fort et sans passion. Quant à son âme, ici, la voix de la terre se mit à rire, d'un rire éclatant, qui remplit l'abîme de son immense dédain.